l'océan, j'expire tout en respirant des choses bizarres autour de moi, du sang sur moi, mais qu'est-ce donc ça? Un oiseau nage dans la mare, un arbre en forme de canard, un obélisque comme Casimir, du sang sur moi, j'suis en train de souffrir. Un accident, mon cerveau est déglingué, je crois que je vais bientôt crever. Toutes ces illusions pas très nettes, c'est mon cerveau qui perd la tête. Plus assez de sang dans mon corps sous morphine avant la mort. Toutes ces illusions.